Chez nous ça part en vrille dans la ville. Des coups pleuvent, des coups partent de tout part. Des trouilles passent, Sarko cherche des coups par. Des coups bas s'instaurent, y'a des blessés à déplorer. Ce flic est prêt à tout pour sa médaille être décoré. Explorer les quartiers est un risque pour les forces de l'ordre. Des gosses veulent de l'or et leurs pitbulls ont l'ordre de mort. L'Elysée est sous pression, cherche un bouc émissaire. C'est le souk émissaire chaud comme dans le sud hémisphère. L'État nous arnaque grave et camoufle les escrocs. Les belles paroles sont là mais ces chiens ne tiennent pas leur messe pro. Ils emprisonnent à tort et libèrent les tueurs de petites filles. Malgré les récidives, ils se réfugient dans les petites villes. L'État ne contrôle plus et n'est plus maître de ses actes. C'est désastre, les portes se ferment, on cherche le précieux sésame. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. C'est nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. C'est nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. Sous le balto, moi je veux le magot, le palace. La boisse coule à flot, mon vieux spardo me tracasse. Blasé, je me présente pas qu'au le rapace. Lassé, je représente tous les capots de la casse. Vagabond, ce rap à la combe des stress. Peu de place dans le wagon pour les gars de mon espèce. D'un côté, je vois les gars qu'on me déteste. De l'autre, un pays n'acceptant pas qu'on le déteste. Terre d'asile, deux mots qui me font bien rire. Je vois l'état faire nazi, parler trop pour rien dire. Je crains le pire, malgré tout, je voulais m'inspirer. Je me rappelle les et de ce qu'ils voulaient m'instruire. Pas rien, crois pas que j'adhère ma rime gêne. J'en entends certains parler de carcère parisienne. La faillite règne tellement de familles pleines. Le pauvre a le ventre vide et l'autre les narines. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. C'est nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. C'est nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. Je suis en train de savourer le plan que j'ai cherché la veille. Parce que la rencontre est choc, tout comme PSG Marseille. Moi j'ai émergé à peine, viens pour déverser ma haine. Car l'envie de percer ma pelle, les faux vont déserter l'arène. Quand je m'énerve, c'est pareil, ils ont dévasté ma sphère. Mon gars, je débarque et j'asperge pour séduire et palper de la fraîche. Ici des gars, des blatères, sache qu'on a cramé l'affaire. Entre des tares et des fasternes, j'arrive pour écarter la brèche. Pendant ce temps, garder la pêche, les grosses caisses et les basses pêtes. MC en casquette et basket, tout comme en survêt et Marseille. Sache que mes versets martèlent, n'en viens pas chercher la merde. Juste une beuh vers tes pastels et puis je débite texte et grammaire. Je fais ça pour percer l'abcès et tu n'as plus d'excuses. 4 MC proche du chaos avec des kicks et une percute. En effet c'est dur c'est cru, déballer des scuds perdus. On veut se coucher sur des thunes et on s'en bat si le succès tue. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. C'est nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. J'avoue c'est le bordel, on débrouille comme on peut dans cet état corrompu. Nous contre eux, désormais c'est clair, les liens sont rompus. Ça s'annonce complexe, dans ce contexte personne fait le premier pas. Dans le contexte, leur compte de texte afin que les choses se répandent. Les maladies rôdent mais on pèse à outrance. On cache les armes dans des caisses à outils. Proche du chaos, on fait naître la souffrance. Tous trempent full camp si tu veux pas mourir. Là où ça se tire dessus pour un bout de terre. Époque foulec, même l'air qu'on respire a un goût de merde. Nos économies tiennent sur une poutrelle. Les mauvaises nouvelles nous font teaser plus d'une bouteille. Trop rue pour mener la vie de château. L'existence de l'abstrait demande à Picasso. Le ghetto fait pas de petits cadeaux. C'est toujours avec la rage quand on kick un son. Barjo, ses portes ouvertes aux piques assiettes. Aux chineurs, aux dealers, l'être humain a mille facettes. Quand le diable tend là-bas, mort du l'hameçon. Demande à Karna, on est proche du chaos. On est proche du chaos. On est proche du chaos.